Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de JT Sport. Chaque semaine, cette nouvelle émission s'intéressera à l'actualité des sportifs toulousains, alors du rugby avec le Stade toulousain, du hand avec le Phoenix, mais pas que. On fera régulièrement un point sur l'actualité sportive locale. Ça sera en fin d'émission avec moi pour animer cette première émission, Geoffroy Jackson. Bonjour Geoffroy. Salut Marion, bah oui, aujourd'hui c'est la première de JT Sport et pour nous accompagner pour nos débuts, nous aurons donc les intervenants suivants. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Voilà, avec nous donc les deux Arnaud, Arnaud Deschlotte et Arnaud Delataille. Et oui, deux Arnaud pour nous parler de rugby. Au handball, on retrouvera Marine et Hugo. Pour le tennis, Jean-Cian nous parlera du Masters de Londres et de la finale de la Fed Cup. Et enfin, on fera le tour de l'info sport avec Gauthier. Ça va se présenter. Et on commence donc avec le rugby, c'est l'heure de notre rubrique Caramel et Schistera. Donc on se tait et on reste concentré sur ce jeu. On va évidemment parler de l'affiche du week-end à Toulouse. Retour au stadium pour les champions en titre. Le Stade toulousain s'est brillamment imposé face à Clermont et Geoffroy, tu as pu assister au match. Oui, avec Arnaud Deschlotte, et quel retour du Stade toulousain. Il y avait un petit moment qu'on les avait pas vus aussi fringants et ça tombe bien, les internationaux sont de retour après la Coupe du Monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se voit. Très vite, dès la 5e minute, on se dit qu'on va avoir une partie digne du 47-44 de l'année dernière entre ces deux équipes. Magnifique action des trois quarts sur un ballon de contre dès la 5e minute. Un nouvel essai donc plus tard et un superbe coup de pied à suivre pour Tamak qui se le conclut tout seul. On est à 24-3. C'est défensivement aussi que les rouges et noirs ont asphyxié des Clermontois commettant beaucoup trop de fautes de main. La deuxième partie sera un peu plus équilibrée, mais bon, les Toulousains mettent un second coup de collier pour marquer l'essai du bonus à la 70e. L'histoire est pliée, jamais vraiment les jaunards ne les ont acquittés. Bon, en somme, c'est un retour en force des mondialistes, un retour qui fait du bien et puis on voit que les automatismes, ils ne les ont pas trop perdus malgré les 4 mois d'absence au club. Je pense que c'est le groupe qui vit bien, tout simplement. Qu'on soit en équipe de France ou au Stade Toulousain, on est content d'être ensemble et ça se retransmet sur le terrain, c'est juste ça. On ne surjoue pas notre amitié, on ne surjoue pas notre cohésion et en tout cas, on était content de rentrer et on a voulu le partager avec nos coéquipiers dans un premier temps. Leur montrer qu'on était 100% impliqués dans notre club, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu vivre cette Coupe du Monde, et dans un deuxième temps, le partager avec le public. Oui, c'est votre avis aussi, je ne sais pas, les deux Arnaud, vous qui étiez au match, finalement, est-ce qu'on peut dire que la mécanique du stade était plutôt bien huilée ce soir-là? Bah ouais, ça a été un super retour, honnêtement, on ne pouvait pas s'attendre à un aussi beau match de la part des internationaux qui sont très vite retrouvés. On avait un peu peur avec Geoffroy au niveau du temps, on avait peur d'assister à un match un peu fermé, puis ils nous ont régalé dès le début du match, ça a été vraiment une super performance. On voit que l'équipe du Gomola est vraiment huilée et que ce qui a fait les ingrédients du champion de l'année dernière sont encore présents malgré l'absence des internationaux. Toutes les équipes tournent moins bien dès que les internationaux partent à la Coupe du Monde, on l'a vu, le Racing, le Stade, toutes les grosses écuries du top 14. Et là, ça a déroulé, dès la première minute, Arnaud l'a dit, on n'a pas vu de différence par rapport à l'année dernière et c'est ça qui est hyper rassurant pour le Stade pour la suite de la saison. Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est que les Toulousains, ils ont vraiment déroulé au début. Ils ont eu quelques accros après, mais finalement, avec une grosse défense, quoi. Ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas vraiment été inquiétés par les jaunards, par les Clermontois. Au niveau du jeu, ils nous ont tout fait. Le jeu d'avant a été parfait, présent physiquement. Avec les arrières, tout était super bien huilé. Les passes arrivaient au bon timing. Ça faisait des retours intérieurs. Il y avait de tout. Il y avait de tout en première mi-temps. Encore une fois, une petite baisse de régime en seconde. On peut dire que c'est peut-être la pluie et puis aussi le manque de rythme. Mais franchement, une très belle partie. Une très belle partie des joueurs toulousains en première mi-temps. En tout cas, un vrai feu d'artifice, quoi. On a retrouvé le stade de la saison dernière avec énormément de jeux. À l'arrière, ça a été magnifique. On voit les lignes arrière, on a retrouvé celles de l'année dernière. Beaucoup de retours, Ntamak, Guitoun, Médard. Et puis surtout, là où on aurait pu avoir peur, c'est par rapport aux automatismes. Finalement, ils étaient tous ensemble avec l'équipe de France et on voit qu'ils n'ont rien perdu avec ce premier essai qui est magnifique. Est-ce que vous pensez que la prépa, même Coupe du Monde, avec tous ces joueurs du stade, justement, dans l'effectif du 15 de France, ça leur a permis aussi de bien s'entendre et de continuer à travailler ensemble pour le stade, quoi? Ouais, on l'a senti dès le début, on sent que c'est des joueurs qui s'apprécient déjà, qui sont contents d'être ensemble et puis ils se trouvent les yeux fermés. Voilà la première passe de Guitoun, le premier, elle est magnifique, c'est dans la continuité de l'action. Et puis voilà, vraiment, c'est des choses. Il le soulignait à la fin, Régis Sol, l'entraîneur des avants, il disait que ça fait partie de leur ADN de ces joueurs-là et finalement, ils n'ont pas tant besoin de le travailler que ça. Après, moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est également quand même au niveau des lancements de jeu, pareil, on aurait pu croire que les lancements de jeu, c'est super important justement pour voir s'il y a vraiment des automatismes. Et on a vu qu'après touche ou après mêlée, bah, il n'y avait aucun accro. Et la preuve, je veux dire, l'essai de Tama, qui me semble qu'il intervient après un lancement de jeu ou peut-être après un autre temps de jeu, quoi qu'il en soit, vraiment après très peu de temps. Direct, un petit coup de pied de Holmes, et puis Tama, on sent qu'il a tout de suite compris l'action parce qu'il est tout seul sous le ballon. Il n'y a vraiment aucun joueur, mis à part lui, et donc c'est ce qui lui permet de tracer sa route. Après, certes, il a 2-3 joueurs, mais bon, vu le talent du Toulousain, aucun souci pour se conclure l'essai tout seul. Hein. Et puis là, on voit, c'est ultra rassurant, c'est qu'on sait qu'il manque, bah, il manque Colby qui a été champion du monde, ouais. Il manque Dupont qui est encore un peu blessé. Et mine de rien, les triangles arrière, ça a joué parfaitement. Donc un retour de Colby sur l'aile, Médard va pouvoir peut-être décaler en 15, même s'il y a Ramos qui joue. Dupont en 9, on a vu que ça a tenu la charnière a tenu la baraque. Et donc pour la suite de la saison, avec ces deux retours-là qui ne sont pas des petits retours, je pense que ça va être encore plus puissant le stade cette saison. Et justement, messieurs, en parlant des joueurs, est-ce que pour vous, il y a un joueur que vous retenez dans ce match? C'est qui votre joueur du match? Bon, honnêtement, on pourrait en sortir beaucoup. Moi, j'en ai retenu deux qui ont vraiment été excellents. C'est Ntamack pour son retour, on l'a vu avec cet essai individuel. Il a vraiment été vraiment excellent, très en confiance. Il venait d'être élu révélation de l'année et il a confirmé tout ça. Il a vraiment fait un super match. Et puis Ramos aussi, on sent que cette éviction de la Coupe du Monde, ça lui pèse. Il a beaucoup de choses à prouver et il a encore été excellent. C'est lui qui donne les deux dernières passes sur les deux premiers essais. Enfin, il a été précis au pied aussi, vraiment. Il a été excellent. Je rejoins Arnaud, hein, Ntamack sur son essai. Enfin, déjà dans le jeu, il a fluidifié le jeu, hein, toujours en centre. Hein, on le connaît parce qu'en équipe de France, il n'est pas utilisé au même poste qu'il est au stade. Donc, on sent qu'il a retrouvé tout de suite ses repères et ses automatismes. Et puis, son essai, c'est du Ntamack, quoi. C'est la pépite qu'on a en France. On a de la chance de l'avoir parce que il est costaud. Enfin, les deux cadrages débordement qu'il met. Alors, s'il le met pas, il est vraiment traité de gros croqueur, mais là sur le coup, ouais, costaud, bien joué Ntamack sur ce coup-là. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il aurait pu ne pas le mettre et être traité de gros croqueur. Moi, il y en a un justement qui m'a beaucoup plu parce qu'il a fait beaucoup jouer les autres également, notamment par ses mètres parcourus. C'est Johan Huget. Je trouve qu'il est quand même décisif sur le premier essai. Il s'arrache tout seul, il fait une magnifique passe comme ça à l'aveugle, et puis à chaque fois qu'il avait un ballon, il avançait, il n'hésitait pas à jouer dans l'axe. Je veux dire, il n'était pas campé sur son aile, il était également dans l'axe avec les gros, il jouait partout, il était vraiment très actif, Johan Huget, ce soir-là. Ouais, une fois de plus, là, on sort que les lignes arrière, vraiment, qui sont les plus flamboyants. Mais, on peut noter Kroos, hein, par exemple. Exactement. Kroos qui a fait un énorme match. Devant, il y a eu énormément d'abattage. Honnêtement, c'est très compliqué de trouver un joueur qui a fait un mauvais match aujourd'hui. Et ça a été vraiment une performance très aboutie. Tout à l'heure, Geoffroy parlait du début de seconde période qui avait été peut-être un peu moins fringant pour les joueurs du stade. Est-ce qu'il y a un temps faible ou une action qui vous a marqué qui vraiment aurait pu affaiblir les Toulousains dans ce match? Moi, je trouve pas, personnellement. C'est justement, je trouve au contraire que c'est plutôt rassurant ce début de seconde période où on voit qu'ils subissent, ils prennent un essai assez rapidement, mais ça défend très très bien. Et on voit que les Clermontois ont eu énormément de mal à scorer, à marquer des points. Ils se sont retrouvés en fin de première période et en début de seconde assez longtemps près de la ligne toulousaine, et on a vu qu'il y avait beaucoup de solidarité, ça a très bien défendu. Et au contraire, je trouve que c'est très rassurant. Ensuite, avec la nouvelle vague d'entrée où il y avait pour la première fois de la saison un vrai banc de touche avec des joueurs confirmés, ils ont remis le pied sur l'accélérateur et ça a vraiment été intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le très peu de fautes en fait qu'ils ont fait, parce que finalement, ils ont donné quasiment aucun point à Clermont en étant acculés sur leur ligne des 5 ou dans leur camp, que ce soit fin de première mi-temps ou début de deuxième, ils ont forcé Clermont à faire les fautes, forcé Clermont à faire les en avant, forcé Clermont à mal jouer en fait, et ils ont par ce biais-là donné très peu de points à Clermont, ce qui donne encore plus d'ampleur au score à la fin. Ouais, il y a quelque chose de marquant, moi je trouve, c'est en fin de première période où pour la première fois vers la 30e minute, ils sortent de leur camp, ils arrivent à mettre une grosse pression aux Toulousains, ils sont déjà menés de plus de 20 points. Et ils sont obligés en quelque sorte de prendre les 3 points parce qu'ils n'arrivent pas, à scorer derrière la ligne. Donc ça a été quelque chose qui nous a marqué avec Geoffroy. Ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant quand même. Enfin, bon, alors oui, ils étaient à 5 mètres en face des poteaux, mais pourquoi prendre les 3 points alors qu'il y a 24 à 0 en plus, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, les conditions auraient pu être nulles. Et finalement, elles étaient vraiment presque parfaites, mis à part la pelouse qui était mouillée. On a quand même eu... On a quand même eu un temps assez clément et pour le coup, ils n'ont pas voulu la jouer. Ils n'ont pas voulu la jouer en mêlée quand on connaît en plus les combinaisons de Clermont qui sont vraiment très forts hein, sur les lancements de jeu. Je dirais peut-être même plus forts que les Toulousains qui sont plus habitués à jouer des ballons de contre. Les Clermontois sont beaucoup plus organisés sur ce genre de phase et pourtant, ils ont quand même voulu prendre les 3 points, signe que c'était une équipe qui n'était pas en confiance. Alors ma question justement, messieurs, c'est que comment ça se fait que cette équipe a fait tant d'en avant alors que pourtant, elle aussi avait le retour des internationaux ? J'ai pas senti, déjà on sait toujours qu'une équipe, la charnière c'est toujours très important, et j'ai pas senti Parra Lopez dans leur match. Tout de suite, ils ont pas réussi à jouer, et pourtant on sait que les deux se connaissent bien depuis qu'ils jouent ensemble à Clermont, mais on l'a vu en première mi-temps, dès qu'ils étaient acculés, leur coup de pied pour sortir de leur camp, ils étaient mauvais, ils trouvaient des petites touches, ils n'avaient pas impulsé du jeu, à impulser quelque chose à Clermont, et tout de suite ça s'est ressenti sur les lignes arrière malgré les retours comme tu l'as dit. Ouais, et puis des deux côtés, ils ont beaucoup insisté sur la défense toulousaine pour expliquer ses fautes de main aussi. Et on le voit, beaucoup de fautes de main interviennent après des gros plaquages toulousains où on a senti que dans l'impact physique, ils étaient supérieurs. Ils leur ont mis une grosse, grosse pression. Et donc, ces fautes de main peuvent aussi s'expliquer par la très bonne défense des Toulousains aussi. Ouais, peut-être aussi un manque d'engagement, hein, parce qu'il y avait un moment où il y avait une très bonne phase de jeu clermontoise. Ils ont multiplié les temps de jeu proche de la ligne de l'embute et pourtant au dernier moment avant d'aplatir en avant, ça c'est vraiment symbolique hein, du manque de concentration clermontois ce soir-là. Prochaine rencontre donc à Toulouse, ça sera un match de Coupe d'Europe et ce midi lors de la conférence de presse, Hugo Mola a annoncé qu'Antoine Dupont était toujours indisponible pour le moment. Alors un pronostic peut-être à nous pour Gloucester ? Bah écoute, ça va, c'est assez difficile de s'exprimer là-dessus, c'est une équipe qu'on connaît assez peu, Gloucester, ils viennent de perdre à domicile contre les Saracens, donc on connaît la force des Saracens. Donc c'est assez difficile de juger, on avait l'impression que même les joueurs connaissaient assez peu cette équipe qui n'est pas une équipe du top, enfin, qu'on a l'habitude de rencontrer souvent en Coupe d'Europe. Mais honnêtement, avec le retour de ces internationaux, avec la forme que le stade a su afficher sur le match, c'est encourageant et je les vois capables d'aller gagner chez les Anglais. Oui, la même, Gloucester, c'est la seconde division des grosses nations européenne et en plus le stade n'a pas une poule très difficile cette année et Gloucester c'est typiquement le genre de entre guillemets gros petites équipes qu'on est toujours bien content d'avoir dans sa poule en Coupe d'Europe. Ouais, et puis surtout les Toulousains ont l'air d'avoir très à cœur de faire une belle campagne européenne cette année, ils ont beaucoup insisté là-dessus et on sent qu'ils ont envie de retrouver la victoire dans cette compétition. Merci beaucoup à vous Arnaud et Arnaud. Donc on rappelle que le prochain match du Stade Toulousain aura donc lieu vendredi à 20h45. On a beaucoup de respect pour cette équipe, on a beaucoup de respect pour tout ça, mais le meilleur respect qu'on va avoir, c'est de les défoncer quoi. Colossal, gigantesque, fantastique, phénoménal. On passe donc au hand et Marine et Hugo nous ont rejoints sur le plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Mercredi dernier, le Phoenix a décroché sa 4e victoire de la saison face à Istres. Une victoire 28-25 à domicile du côté du Palais des Sports. Une performance collective aboutie pour les joueurs de Philippe Gardan. Le Phoenix qui pointe aujourd'hui à une solide 3e place au classement après 8 journées, un total de 10 points. Et devant, il y a toujours le Paris Saint-Germain et Montpellier. Alors les Toulousains, ils peuvent-ils être la surprise de cette Lidl Star League ? Surprise, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça parce que le Phoenix est quand même placé dans le milieu du classement depuis de nombreuses années au sein de la Lidl Star League. Mais ce qui est sûr, c'est que cette saison, elle démarre sur les chapeaux de roue. Il y a eu l'exploit face à Nantes il y a 2 semaines. Il y a eu la confirmation à domicile la semaine dernière contre Istres. Donc voilà, on a des Toulousains qui ont maîtrisé la rencontre, qui ont gardé un matelas de 3 buts tout le long du match. Il y a eu une superbe performance des ailiers Solé et Illich. Ils terminent meilleur buteur de la rencontre. Donc pour moi, ce qui est sûr, c'est que voilà, pour l'instant, on est en du classement, mais on a une équipe qui a les capacités d'y rester un moment. On écoute Jordan Bonilori, le pivot toulousain, qui revient sur la performance de mercredi dernier. C'est un match qu'on se devait de gagner pour bonifier la victoire de Nantes il y a 2 semaines de ça. Là, ça nous permet de mettre un écart avec eux et de rattraper le trio de tête, là, parce que il me semble que si on garde jusqu'à demain, on est 3e, donc on monte sur le podium. Donc c'est plutôt une satisfaction sur nous, sur ce début de saison. Après, sur le match, effectivement, on a fait un match solide. Même s'il y a eu un trou d'air, on a quand même su rester à 3 buts ou 4 buts maximum. Même si on avait l'air de peiner un peu, on gardait ce minimum syndical qui nous a permis d'aller jusqu'au bout avec cet écart, donc c'était plutôt satisfaisant pour nous. Oui, Hugo, toi aussi qui étais au match, est-ce que tu es plutôt d'accord avec les propos du pivot justement toulousain qui a fait un gros match aussi? Oui, tout à fait, il a fait un match solide lui aussi, et on peut souligner globalement toute l'équipe qui a fait une rencontre parfaite, notamment dans la gestion des temps forts et des temps faibles aussi. À un moment, en milieu de seconde période, Istres a failli revenir dans le match suite à quelques erreurs, notamment dans le jeu d'attaque. Et Istres en a profité, ils sont revenus à deux buts, mais ça s'est rapidement remis en avant du côté du Phoenix avec de bonnes performances, notamment sur la base arrière. Donc globalement, un match maîtrisé et c'est une bonne nouvelle avant d'aborder le prochain match à Chambéry, on en parlera plus tard. Il y a un joueur donc qui est particulièrement en forme en ce moment, c'est le demi-centre néerlandais de 24 ans, Luc Steyns. Ouais, c'est ça, pour moi c'est vraiment un meneur tant dans l'état d'esprit que dans le jeu. Il est parfaitement intégré dans l'attaque toulousaine. Il faut savoir que l'attaque toulousaine, c'est une attaque qui est très centrale, qui a beaucoup de vitesse dans le jeu central pour finir sur les ailes avec donc des ailés qui sont parfaits à la finition. Et voilà, et il a cette vitesse malgré sa petite taille. Il fait que, entre guillemets, 1m73, donc c'est très petit, surtout pour un demi-centre sur une base arrière. Mais c'est pas du tout un handicap. Il a une vitesse qui réussit à transpercer les défenses. Ou alors, il crée des espaces pour ses coéquipiers. Et après la finition, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il a marqué 34 fois depuis le début de la saison sur 36 tentatives, donc c'est énorme. Justement, il a reçu le prix de meilleur joueur du mois d'octobre. On l'écoute. Le but, c'est de gagner tous les matchs et c'est pas grave comment et c'est pas grave combien de buts tu marques ou combien de buts quelqu'un marque dans l'équipe. Tout le monde joue pour gagner des matchs et ouais. Après, c'est bien de gagner un trophée joueur du mois, mais après, ça sert à rien. C'est l'équipe on essaye de rester le plus haut dans le classement et ouais, pour ça, tu dois gagner des matchs. Oui, c'est un joueur qui passait par la Pro League, la deuxième division, et puis avec des clubs comme Massy et Tremblay lors des deux dernières saisons en Lidl Star League. Est-ce que pour vous, ça peut être un peu la révélation du championnat cette saison ? Pour moi, oui, ça va peut-être en être une. Alors, la saison est longue encore, on n'en est même pas au quart de la saison, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un parcours assez atypique. Il est passé en deuxième division, comme tu l'as rappelé. C'est un joueur qui se base avant tout sur la vitesse, mais également sur la niaque. Il a beaucoup de progrès à faire encore en défense, même s'il est pour l'instant très solide. Pour ce qui est de la révélation de l'année, en tout cas, pour l'instant, les statistiques, elles démontrent qu'il est largement au niveau de la Lidl Star League. Après, il y a des concurrents à sa place aussi. Il y a Elohim Prandi du côté de Nîmes. Il y a Melvin Richardson, par exemple, on peut citer à Montpellier. Il y a plusieurs, forcément, cadres du PSG. Donc, oui, la concurrence est rude, mais en tout cas, il porte de main de maître tout ce qui est jeu du Phoenix en attaque. C'est vraiment le métronome cette saison. Donc, on va voir ce que ça va donner les prochains mois. Mais pour l'instant... C'est l'homme en forme et la pièce maîtresse numéro 1 du collectif de Gardant. Et autre point positif, justement, tu en parles de Philippe Gardant, son adaptation en tant qu'entraîneur, alors que pourtant son groupe a été largement remanié à l'intersaison cet été. On l'écoute en parler juste après le match. Le groupe est sain et ça fonctionne bien et ça bosse bien, donc voilà, on va pas s'enflammer, on va rester bien calme. Les mecs, ils comprennent, quoi. Je veux dire, on a un mec comme Pierre Hinchel, par exemple, qui n'a pas joué aujourd'hui, alors qu'il est aussi très bon, mais quand on a un Ferran Solisola comme aujourd'hui, contre Nantes, c'est Pierre qui a joué une heure. Voilà, donc je veux dire, après, à partir du moment où c'est juste et dit, il n'y a pas de souci, et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre groupe. Oui, donc calme et sérénité, deux mots qui pourraient être peut-être les mots clés de cette saison pour Philippe Gardant et son effectif, pour éviter peut-être une saison galère comme l'an dernier. Oui, parce que comme on l'a rappelé en début de séquence, le Phoenix, par rapport à l'année dernière, fait vraiment un début de saison canon. On sait que l'année dernière, ils sont vraiment réveillés en deuxième partie de saison, donc là, c'est assez surprenant pour un effectif qui est... habitué à jouer la deuxième partie du classement ces dernières années. Mais on l'a dit, beaucoup de départs durant l'intersaison et beaucoup d'arrivées aussi. Donc Gardant a été très intelligent dans la gestion. Il a su renouveler l'effectif à des postes clés, notamment le poste de demi-centre. Il y a aussi toute la quadrille, on va dire, espagnole avec Ferran Solé. Il y a aussi Arnau Garcia. Donc il a su très bien mélanger toutes ces individualités pour faire un collectif vraiment solide. Et donc aussi, dans la deuxième partie de son intervention, il en parle, c'est la gestion des joueurs. Là, on voit que, par exemple, le capitaine Pierre Hinchel n'a pas du tout joué du match, alors que le match d'avant, à l'extérieur, il l'avait joué à Nantes les 60 minutes. Là, ça a été Illich. Donc il y a vraiment une complémentarité entre chaque joueur et c'est ce qui fait la force du Phoenix à mon avis en ce début de saison. Oui, il y aura un calendrier assez chargé mais peut-être à la portée du Phoenix d'ici Noël. Ça va commencer dès demain à 20h45 au phare de Chambéry. Comment vous voyez ce match, un pronostic ? Pour moi personnellement, j'espère en tout cas parce que le Phoenix a vraiment une carte à jouer au phare de Chambéry. C'est une équipe qui, contrairement à l'année dernière, elle est dans la dynamique inverse du Phoenix. Elle est vraiment en bas de classement, elle est dixième, elle a 2 victoires pour l'instant en 8 journées. Donc c'est pas terrible, mais ça reste une place forte du handball français. Donc pourquoi pas aller chercher un résultat, d'autant que voilà, Chambéry n'est pas sur une grosse dynamique en ce moment. Merci Hugo. Marine, un petit mot peut-être sur le classement et les matchs à venir. Oui, c'est ça. En haut du tableau, on retrouve, comme l'année dernière, Paris et Montpellier. Ensuite, c'est une égalité à 10 points pour le Phoenix, Nîmes, Aix et Nantes. Les Toulousains sont cependant 3e, notamment grâce au goal average. Et c'est Tremblay et Créteil pardon, qui clôturent le classement. En ce qui concerne les rencontres de demain, les Nantais doivent absolument mettre un terme à leur mauvaise passe à Ivry, sous peine de voir le podium s'envoler de leur portée. Et à noter le choc entre les deux premiers du classement jeudi. Même si les Parisiens sont assurés de garder la tête puisqu'ils ont 4 points d'avance sur leur dauphin, les Montpellierains peuvent créer l'exploit et faire enfin plier l'intouchable PSG. Merci Marine, merci Hugo. Après le Stade Toulousain et le Phoenix, on accorde aussi une place aux autres sports. C'est l'heure du Flash Sport avec Gauthier. On commence avec le basket et Tony Parker qui entre un peu plus dans l'histoire des Spurs de San Antonio. Salut Gauthier. Salut. Oui, Geoffroy, le meneur français qui a fait quasiment toute sa carrière dans ce club de 2001 à 2018 et avec qui il a été 4 fois champion NBA a été honoré cette nuit. Son maillot au numéro 9 a été accroché bien haut dans la salle de la franchise, la TNT Center. C'est le signe d'une grande reconnaissance des Spurs. Tipeee a déclaré lors de cette cérémonie « Ici, ce sera toujours la maison pour moi, c'est très émouvant », a-t-il ajouté. Il devient le 10e joueur de l'histoire de la franchise. Avoir son maillot suspendu au cintre de la salle, comme on dit, c'est tout simplement historique. Et dans l'actualité sportive toulousaine, en volley cette fois, les Spacers affrontent l'Arago de 7 vendredi pour le compte de la 7e journée de Liga. Tout à fait, les Toulousains 7e du classement reçoivent l'Arago de 7, 4e vendredi soir à 20h. Les hommes du coach Stéphane Sapina restent sur une bonne dynamique avec une victoire à l'extérieur, 3-7 à 0 à Poitiers samedi. À 9 points aujourd'hui, ils pourraient rattraper leurs rivaux du soir qui en totalisent 12 en cas de victoire évidemment. Et donc se rapprocher du leader Tourcoing qui compte 14 points. Comme vous l'avez compris, c'est un début de saison serré pour le moment. Et puis maintenant, parlons tennis. Direction Londres, où les meilleurs joueurs du monde s'affrontent depuis dimanche. C'est le master de fin d'année à l'Argentiane, 5 matchs déjà et quelques surprises. Oui, alors d'abord pas de surprise pour le premier match de dimanche, puisque dans le groupe Bjorn Borg, le numéro 2 mondial Novak Djokovic a fait respecter la hiérarchie en dominant largement Matteo Berrettini. Le Serbe n'a pas eu à forcer son talent, victoire 6-2-6-1 en 1h02 de jeu. Il a pu profiter notamment des nombreuses fautes directes de son adversaire. Résultat plus surprenant en revanche dans le deuxième match du groupe, puisque Dominic Thiem a bousculé la hiérarchie en s'imposant face à Roger Federer en 2-7, 7-5, 7-5. Le Suisse n'est jamais vraiment rentré dans son match, avec notamment beaucoup de fautes directes, inhabituelles pour son niveau. Le master semblait mal embarqué pour le maestro, mais il s'est relancé cet après-midi. Victoire face au jeune italien Matteo Berrettini 7-6, 6-3. Il jouera donc sa qualification face à Novak Djokovic ce jeudi. Et Jean-Cyan, de belles affiches également hier dans le groupe André Agassi. Oui, tout à fait. Alors le match de l'après-midi opposait Stefanos Tsitsipas à Daniil Medvedev, l'un des hommes en forme du moment. Au terme d'un match très disputé d'1h43, le grec a fait mentir les pronostics en dominant le russe 7-6, 6-4. Un match qui lui permet d'être en bonne position dans un groupe très disputé. Et autre match et belle affiche de ce long week-end, le tenant du titre Alexander Zverev affrontait le numéro 1 mondial Rafael Nadal. L'Espagnol n'a pas paru gêné par sa récente blessure aux abdominaux, mais il n'a pas réussi à contrer la puissance de l'Allemand. Succès 6-2, 6-4 au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. Nadal se retrouve donc en mauvaise posture. Il devra gagner ses 2 prochains matchs pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Et puis côté français, hier belle victoire de la paire Mahut-Herbert. Ils ont battu les numéros 1 mondiaux Cabal et Farah en 2-7, 6-3, 7-5. Prochain match demain à 19h contre les têtes de série numéro 3. Et comment ne pas parler tennis sans mentionner aussi la Fed Cup, magnifique victoire des Françaises contre l'Australie. Oui, alors emmenée par une grande Kristina Mladenovic, l'équipe de France remporte ce week-end la troisième Fed Cup de son histoire après 1997 et 2003. On retiendra notamment la victoire majuscule de Mladenovic sur la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. Les filles avaient à cœur d'effacer la défaite de 2016 face à la République tchèque. Ce dimanche en Australie, elles nous ont prouvé que ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et à noter que la Fed Cup va elle aussi changer de formule à partir de la saison prochaine, tout comme la Coupe Davis. Cette Coupe Davis qui débute dès la semaine prochaine. On connaît déjà le groupe français, donc aux côtés de Pierre Gerber et Nicolas Mahut pour les doubles, Jo-Wilfried Tsonga, Benoît Paire et Gaël Monfils complètent la sélection de Sébastien Grosjean, le capitaine. Premier match des Bleus face au Japon, sans Nishikori, le 19 novembre. Merci Gauthier, merci Jean-Cyan. C'est ainsi que se termine la fin de ce premier numéro de JT Sport. Alors, merci à toi aussi, hein, Marion, qui m'a accompagné pendant la présentation. Et merci également à Adrien pour la régie. On se retrouve la semaine prochaine pour notre deuxième émission. On compte sur vous. Salut. Salut à tous.